Chapitre 16. Zélé entendit le verrou de la double porte tourner et le maître des lieux fit son apparition. « Meurtrier, tu as tué Karoa !» À peine avait-il mis un pied dans la pièce qu'elle s'était jetée sur lui sans réfléchir, griffe en avant. La princesse, plus grande que lui, aurait pu le renverser et peut-être avoir raison de lui en temps normal, si elle ne s'était pas trouvée à bout de force. Elle n'eut pu que lui taper de ses poings rageurs sur le torse en pleurant, tenant à peine debout, les jambes plus fléchies que naturellement, la rabaissant à la hauteur de son geôlier. Le commandant des mercenaires resta d'un calme impérial face à l'attitude de la captive. Il s'en amusait même. D'une main, il saisit le bras de Zélé et la tint serré contre lui. De l'autre, il leva son menton et la força ainsi à le regarder dans les yeux. Bien que ce geste eût pour effet de décontenancer Zélé une fraction de seconde, elle enchaîna rapidement, les yeux débordant de larmes. « Tu l'as simplement tué. Il n'avait rien fait, aucune raison, rien tenté pour s'échapper. Comment as-tu pu ?»« Deviens carnivore, chérie. » Il dévoila un sourire carnassier. Ses gencives de Nikéen étaient un champ de canines implantées irrégulièrement. Les cicatrices sur ses gencives témoignaient que le travail n'avait pas été effectué par le meilleur des chirurgiens, et aussi qu'il se blessait fréquemment avec ses dents artificielles. Les Nikéens, tout comme les Upléens, ne possédant pas de dents, Irgoche avait dû se faire également rallonger la lèvre inférieure et la peau autour de la bouche pour être capable de la clore complètement. Néanmoins, de la salive coulait de ses commissures, le forçant à la ravaler régulièrement. Le régime des Nikéens et des Upléens était entièrement composé de végétaux, de fruits, de racines, de feuilles, jamais de chair. Zélé se demanda si la couleur marron qu'avait prise sa peau était un effet secondaire indésirable de son alimentation qui perturbait le fonctionnement de son organisme. Et ses yeux, noirs, comme de l'encre. Ni les Nikéens ni les Eupléens n'avaient les yeux noirs. À en croire Karoa, les teintes des yeux des femelles de Nikéas pouvaient être bleues, roses ou vertes. Les yeux jaunes n'appartenaient qu'aux mâles sur la planète. Mais pour Eupléas, c'était toute la population qui était concernée par les yeux jaunes. Dans tous les cas, les yeux avaient des couleurs lumineuses et limpides. Le regard d'Irgoche évoquait l'obscurité la plus absolue, le néant des gouffres abyssaux triangulaires au milieu de son crâne, où la lumière s'égarait. Zélé ne pouvait lire que de l'ambition malsaine chez ce mercenaire. Sentir ses doigts secs sur sa figure la dégoûtait. Tenue comme elle l'était, elle ne pouvait pas tenter de l'écorcher de ses longues griffes acérées. Mais elle aurait aimé posséder des dents comme les siennes ou celles de Mimicha, pour le mordre en plein visage. Et encore, elle se dit que cela pourrait certainement lui faire plaisir. Ainsi prisonnière de son étreinte, si froidement fixée, elle se sentait incroyablement lucide, pour la première fois depuis des heures. Était-ce la vision d'une telle noirceur qui la rappelait à la réalité, et lui faisait presque oublier son manque en dionine? Ce dégoût qui faisait cesser les frissons qui parcouraient son corps. La princesse voulut quitter ce regard qui l'effrayait. Elle orienta ses yeux sur les autres parties de son visage, ses trois narines frémissantes et avides de renifler la peur chez l'autre, ses joues creuses, aux pommettes saillantes et nettes, sa mâchoire carrée, conduisant à un menton en galoche. La forme de son visage évoquait celui de Karoa, en plus émacié. Zélé le trouvait incroyablement immonde. Elle avait toujours vu de la beauté en toute chose, parce que le simple fait qu'une chose existât la rendait belle. Mais lui, cet être abject, n'avait pas la moindre once de beauté en lui. Même l'air qu'il essayait de se donner, avec son long tatouage rouge qui traversait son visage, était répugnant. « Je te répugne. Il ne faut pas me prendre pour un rustre sans éducation. Ceux qui sont sous mes ordres sont ainsi, mais il faut malheureusement s'abaisser à leur niveau pour se faire comprendre et obéir. Me berner serait plus difficile qu'avec ces ahuris. Avez-vous voyagé un peu, toi, le nabo, et la tête brûlée à bord du vaisseau de l'Upléen ? « Où êtes-vous allé ? Je ne t'avais jamais vu dans mon secteur auparavant. Je m'en souviendrai. Est-ce l'Upéen qui est allé te chercher dans un camp éloigné ?» Le ton d'Irgoche était presque amical. Un effort certain résonnait dans ses paroles pour gagner la confiance de la captive et la motiver à se confier. « Vous êtes-vous parlé ? De quelle manière avez-vous pu échanger ? En universel ? Tu te méfies de moi. Pourtant, si tu apprends à me connaître... et à voir les choses à ma manière, cela pourrait bien changer. » Il avait relâché Zélé, et elle se tenait muette devant lui. L'expression neutre qu'elle arborait empêchait Irgosh de tirer la moindre conclusion sur ses pensées. Je ne te forcerai pas à parler. Je m'entretiendrai avec Lupléen, et j'aurai le mot de cette affaire. Je me doute qu'il en sait plus. Si tu ne m'importais pas plus que tes camarades, tu serais en cellule avec eux. Tu m'aides à un plus grand intérêt. Je suis persuadé que vous comptiez vous enfuir à bord de ce vaisseau. Fuir vers la liberté. C'est cela que vous voulez tous. Le commandant se retrouvait face à un mur malgré ses tentatives pour la faire réagir. Il revint à leur tout premier échange pour aborder le sujet qui avait déclenché la colère de la captive. Ce Karoa, était-il ton amant ? Cela ne te regarde en rien. Il avait vu juste. La réponse de Zélé avait mordu sur sa question. Sans aucune retenue, Zélé cracha en sa direction. Mais elle n'était pas assez vive et Irgosh put l'éviter. Il fut tout de même étonné par cette véhémence. Ma technologie me permet de constater que tu es nulle part. Vous ne deviez pas être ensemble depuis longtemps. Ta pudeur sur votre relation est peu commune. Les êtres aussi peu civilisés que vous autres ne font pas preuve de subtilité dans leurs sentiments. En tout cas, tu ne pourras clairement pas m'accuser de l'enlèvement de ta progéniture. J'en suis soulagé, sincèrement. Ça nous évitera de commencer sur des bases encore plus dramatiques. Commencer quoi ? La curiosité de la prisonnière était enfin hameçonnée. Il s'en réjouit intérieurement, et il devait la jouer finement pour ne pas qu'elle s'enfermât à nouveau dans un mutisme insondable. Les espèces qui composent mes troupes de mercenaires sont sélectionnées là où l'évolution de la civilisation a engendré des brutes, dénuées de subtilité et de réel altruisme. Ce sont des misérables qui finiront leur misérable vie ici, sans avenir. Lupléen, vous avait-il promis de vous sauver ? De vous emmener avec lui ? Vous quitteriez ce monde, mais pourquoi ? Pour l'inconnu. J'ai mieux à t'offrir. Une vie libre, sans peur de prélèvement, ni pour toi ni pour ta progéniture. Une vie à l'abri du besoin. Irgosh parlait lentement, comme pour être sûr que chaque syllabe a été bien saisie par son auditrice. Dans son état normal, Zélie se serait impatientée d'un ton aussi mou, et l'aurait provoqué en lui disant d'abréger. Dans son état actuel, le temps employé pour convenir à une esclave issue des camps, et n'ayant reçu qu'une médiocre éducation, atteignait tout juste son niveau de compréhension. La rage qu'il avait assaillie s'était apaisée, et elle devait à nouveau se faire violence pour rester conscient de la situation et se focaliser sur chacun des mots de son interlocuteur pour saisir leur sens et ne pas sombrer dans l'obsession de la Dionyne et de la vision de la porte de la soute. Mon père, mon grand-père, et tant de mes ancêtres avant moi sont issus d'une lignée légitime pour commander. Si je veux pouvoir me préparer un héritier digne, c'est maintenant qu'il me le faut. J'ai trop attendu, et je me fais vieux. Je t'offre une vie avec moi, et avec notre progéniture. Un temps fut nécessaire à Zélé pour assimiler ce qui venait de lui être proposé, et elle pouffa, tant elle n'en revenait pas. Elle maîtrisa toutefois son rire pour éviter d'éclater complètement. Irgosh n'interpréta pas cette brève réaction pour de l'hilarité, mais comme une manifestation d'incrédulité et de joie. Tu seras heureuse ici. Je te ferai découvrir toute la forteresse, et ce ne sera pas une prison, tu pourras sortir quand tu le souhaiteras. Je n'attends pas une réponse de ta part dans l'immédiat, je te laisse d'abord pleurer la perte des tiens. Le deuil, c'est important pour passer à autre chose. Tout malheur apporte une part de bon. Voici ta chance. Regarde-toi, tu es magnifique. Nos enfants le seront tout autant. Ils seront à l'abri de la moindre menace de celui qui prétend être mon supérieur. Le commandant frappa du talon contre la porte pour que les gardes postés dans le couloir l'ouvrissent. Il saisit Zélé par les épaules et la fixa intensément. Désolé, le devoir m'appelle, mais je te promets de revenir vite. Tu es intelligente, je sais que tu sauras saisir cette opportunité. Irgosh referma lui-même la porte et Zélé put entendre son pas s'éloigner. Les Nikéens et les Upléens étaient d'une telle souplesse et légèreté que leurs pas ne s'entendaient guère. Et lui, par-delà un mur, l'écho de ses pointes de pied se plantant dans le sol résonnait. Tout comme il avait transformé sa bouche pour ressembler à un prédateur, sans doute avait-il ressenti l'obligation de modifier sa démarche pour s'imposer. S'il voulait une descendance avec Zélé, c'était qu'il était bel et bien de l'espèce des esclaves, et que certains d'entre eux étaient capables d'être des mercenaires, d'exploiter leurs propres congénères. Des mercenaires que Zélé avait vus depuis son arrivée, ils étaient tous d'espèces différentes, très variées. Elle ne pouvait pas les nommer car son implant n'était pas là pour le faire à sa place. mais elle les connaissait, elle avait déjà vu des individus semblables. Yargosh était le seul natif qu'elle avait repéré. Ni Karoa, ni Ormaïn, ou encore le Carnet, n'avaient évoqué si certains des leurs passaient dans le camp ennemi. Comment l'un d'entre eux pouvait-il accéder au statut de mercenaire pendant que les autres étaient élevés comme des esclaves? Et où était-il parti à l'instant? Quel était ce « devoir » qui l'appelait? Était-ce Ormaïn et Zoku? Malgré toute l'ouverture sur la galaxie, le développement du comète et les connaissances acquises au fil des époques, l'implant et le Rezark, ne préparaient pas à être confrontés à la vraie vie. Ils n'apportaient aucune sagesse. Zélé, Zoku ou même Ormaïn, malgré son expérience de résistant, étaient des inconscients. Ormaïn était redevenu inconscient une fois face à la technologie, croyant qu'elle faciliterait leurs tâches et que tout se réglerait d'un claquement de doigts. Cette même technologie avait toujours leurré Zoku et Zélé, en les convainquant qu'ils étaient intouchables. Mais dès qu'ils en étaient privés, cette prétendue invulnérabilité s'évaporait comme un écran de fumée. Grâce au Rezark, Zélé n'aurait eu qu'à appeler sa mère et un vaisseau hupléen serait venu à leur rescousse. Cette Yargosh allait s'en prendre à Zoku et Ormaïn. Sûrement userait-il de tous les moyens à sa disposition, et sans restriction, pour les faire parler. Combien de temps cela prendrait-il avant que l'un des deux ne parlât des galeries? Des abandons volontaires des habitants des camps. L'imagination perverse des mercenaires accoucherait de nouvelles punitions, comme celle décrite par Elie Jodie, et les résistants seraient réduits en esclavage, à leur tour, ou bien anéantis. Impuissante, Zélé s'effondra le long du mur, tout empirait. Il aurait mieux valu rester sur Upleas. Elle avait envie de disparaître. Ormaïn et Zoku étaient détenus ensemble. La seule source de lumière provenait de l'allée entre les cellules. Ils avaient compté être descendus 3 niveaux sous terre. Les mercenaires les avaient fait longer quelques compartiments vides avant de les faire entrer dans le leur. Ils se retrouvaient à nouveau tous les deux. Ce cas de figure semblait se répéter de plus en plus souvent. La dernière fois, lors de l'observation des camps, Zoku était tellement occupé à étudier la faune et la flore qu'il n'avait pas tenté de communiquer. Là, seul et en proie à un avenir des plus incertains, il ne pouvait se taire. Les deux implants coupés, la traduction des paroles de celui qui parlait ne s'effectuait plus. Ils étaient dans l'incapacité d'échanger alors que chacun avait des choses à dire. Dès leur arrestation dans la clairière, ils avaient été démunis de leurs gadgets. Zoku ne portait plus sa visière sur sa tête. Il le regrettait, car il aurait pu ainsi prendre des photographies des mercenaires et de l'intérieur de la forteresse. Il devait désormais se contenter de sa vision floue. Ormaïn, si vous êtes des résistants, ne menez-vous aucune résistance? Tes camarades ne vont-ils rien tenter pour nous sauver? Ils vont bien trouver le corps de Karoa et comprendre que nous avons été faits prisonniers. Zélé, rubis sacré, c'est affreux. Il faut sauver l'héritière. C'est de ma faute. J'étais en charge du vaisseau. J'aurais dû penser au climat, culpabilisait Zoku. Ormaïn ne croyait plus en rien et le regard vide qu'il posa sur Zoku lui fit comprendre que même s'il avait parlé en lycéen, il n'aurait rien écouté. Il était rongé par le remords. Il avait demandé à venir sur Nikias sans attendre davantage malgré les hésitations de Zélé. Il avait insisté. Et maintenant la princesse était livrée au plaisir d'un sadique. À quoi cela sert-il qu'on se fasse appeler résistant si on ne mène aucune résistance? Confia Ormaïn. Nous ne sommes pas des résistants, ni même des rebelles, comme ils semblent nous appeler ici. Nous ne sommes que des trouillards planqués dans leurs trous pour ne pas nous faire déporter. On fait profil bas. On ne partage rien avec ceux des camps. On les laisse livrer à leur sort. Pour mériter le titre de résistant, il faudrait que l'on n'ait jamais tenté la moindre offensive envers eux. Mais que crois-tu? Bien sûr que non. Nous n'avons jamais rien fait. Nous et nos ridicules petits lance-pierres. Nous sommes minables. En fait, nous voulons tout sauf venir en aide à ces pauvres villageois. Nous avons trouvé un moyen de vivre peinard. Et nous ne voulons surtout pas que cela change. Les aider ne reviendraient pas seulement à nous mettre directement en danger face aux tirs des mercenaires. Ça mettra en danger tout le petit mode de vie que nous nous sommes construits. Notre intérêt est que ces esclaves existent toujours. Tant qu'ils seront exploités, tant que les mercenaires obtiendront ce qu'ils veulent d'eux, nous vivrons tranquilles. Et c'est tout ce qui nous importe. Nous sommes des lâches, des égoïstes. Et les Jodie et les autres ont-ils seulement idée à quel point leur plan a échoué en abandonnant leurs enfants pour en faire des libérateurs? Zoku écoutait avec attention son compagnon, dans l'espoir de capter quelques mots dans cette tirade. Mais en vain. Lupléen comprenait bien qu'Ormain se parlait plus à lui-même. Il n'essayait même pas de le regarder dans les yeux. Quand j'ai ramené Xenia après l'avoir trouvée inconsciente aux portes de la mort dans les galeries, continua Ormain, quelle a été leur première réaction à ton avis? Ils m'ont dit de vite la remonter et de la remettre où je l'avais trouvée, vite avant qu'elle ne reprenne conscience et qu'elle ait la moindre idée de ce qui se passait là-dessous, juste à côté des camps. Et je peux te dire que quand nous avons eu notre fille, ils étaient prêts à me demander de l'abandonner à la surface. Ils ne l'ont pas fait, mais je le voyais bien dans les regards qu'ils me lançaient. Que des mâles là-dessous. Les villageois n'ont pas à craindre que leur fils épouse leur fille. Si jamais ils les abandonnaient, elles ne seraient pas ramassées. Le jour où Xenia et ma fille ont disparu, ils se sont activés comme pas possible. Pas parce qu'ils comprenaient mon inquiétude et qu'ils voulaient les aider, mais parce qu'ils avaient peur que Xenia se soit fait choper par les mercenaires et qu'elle leur révèle tout. C'est de ça qu'ils avaient peur. Ils se sont inquiétés plusieurs jours et enfin, avec le temps passant, ils ont su qu'elle ne s'était pas faite prendre, ou que Xenia n'avait pas prévenu les villageois. Sinon, on aurait eu des Nikiens qui se seraient précipités sur les trappes, guidés par elle, ou subi une attaque des mercenaires. Rien de tout cela n'est arrivé. Alors que leur est-il arrivé à mon épouse et à ma fille? Personne ne le sait, et je suis le seul à m'en soucier. Tout ce qui importe les autres, c'est que leur petite vie planquée ne soit pas dérangée. Ne soit pas en danger. Franchement, s'ils nous avaient escortés jusqu'au vaisseau, en restant en retrait, et qu'ils avaient assisté à notre arrestation, ils n'auraient rien tenté. Ils auraient déguerpi vite fait. Mais je les comprends. Je suis l'un d'eux. Nous n'avons pas d'armes, que des arcs misérables et des cailloux. Que peuvent-ils contre les lasers? Nous pourrions être octantes. 8 d'entre eux suffiraient à nous dégommer. Les chances sont trop inégales. Il n'y a rien à tenter. Culpabilisé et défaitiste, Ormain était assis, contre un mur, le dos courbé, les yeux fixés sur le sol. De toute sa tirade, il ne les avait pas levés sur Zoku une seule fois. Lupléen, lui, ne l'avait pas lâché du regard, en revanche. Il n'avait bien sûr pas compris tout ce qu'il venait de dire, mais il avait dénoté une détresse évidente, une résignation à son sort. Ormain, nous ne sommes pas morts, et tant que nous ne le serons pas, nous ne pourrons pas dire que tout est perdu, le rassura Zoku. Face à Zoku, Ormain avait finalement levé la tête, se demandant s'il avait compris tout ce qu'il avait confessé, le poids qui pesait sur son cœur depuis des années. Mais comme Lupléen lui avait parlé dans sa langue maternelle, il en conclut qu'il ne devait pas l'avoir compris, et avait finalement dû formuler quelques banalités de réconfort. Ormain ne voulait pas de son réconfort. Il devait se résigner. Nous sommes morts. Un grincement de gonds leur indiqua que la porte du bout de l'allée venait de s'ouvrir. Puis des pas lourds retentirent, accompagnés d'un tintement de clé. La silhouette du commandant éclipsa l'éclairage du néon. La porte coulissa dans son rail en crissant et claqua. Irgoche pointa de sa griffe l'élu et lui fit signe de se lever. Recroquevillée dans un coin, entre un meuble et le mur, Zélé était assise à même le sol, les genoux contre la poitrine, les bras croisés formant un barrage autour de son corps. Son pouce extérieur droit effectuait machinalement des allers-retours sur la perle de rubis implantée dans son bras gauche, où elle avait relevé sa manche. Ses tremblements de manque s'atténuaient, seulement quelques frissons parcouraient son corps de temps en temps, grâce à cette idée fixe qui focalisait tout son esprit. Son pouce passait et repassait sur la pierre précieuse rouge. À chaque fois, elle appuyait un peu plus fort, sentant la pointe du cône s'enfoncer un peu plus dans la chair, et remonter quand la pression se stoppait, pour reprendre quelques microsecondes plus tard. Zélie n'avait jamais compris à quoi pouvait servir ce rite, cette cérémonie barbare qui consistait à planter dans l'avant-bras de la future souveraine cette pierre taillée en pointe. Quel en était l'intérêt, à part celui d'offrir un spectacle sadique au public précipitamment réuni? Les Upléens n'avaient aucun plaisir pour les spectacles sadiques. La raison ne venait pas de là. À force d'attiser ainsi la chair, une goutte de sang perla à la surface de la peau, éclatante sur la surface froide du bracelet cuivre et or. Une petite perle de sang à côté de la perle de rubis, 2 perles rouges. La perle de rubis, la planète rubis, qui était Upléas, était-elle semblable à une goutte de sang de leur souveraine? Zélé pensa trouver, là, dans ces deux perles de pierre et de sang, toute la symbolique de cette coutume que sa mère avait toujours refusé de lui révéler. La reine d'Innuma s'était contentée de lui dire qu'un jour, elle comprendrait. Elle avait compris. Comme si au passage de son pouce sur le rubis, la perle lui avait transmis des indices et que la goutte de sang venait lui confirmer qu'elle avait vu juste. Cette perle de rubis était Upléas, sa planète, le peuple dont elle aurait assuré le bien-être tout le reste de sa vie. L'implantation à vif infligée n'était pas un rite sadique, mais une souffrance symbolique. Par la douleur qu'elle avait ressentie, et qu'elle ressentait encore par moments, la future reine acceptait en elle la douleur de tout son peuple, de tous les habitants du Pléas. Toutes espèces confondues, elle portait en elle la souffrance des autres. Elle ne devait que penser à eux, à ce qui était bon pour eux, et ne jamais laisser sa propre personne passer devant tous ses impératifs. La reine représentait les habitants de tout un monde. L'individu s'effaçait devant tous ses êtres. Même si le choix n'était pas évident, que gouverner était dur et la souffrance lancinante, que des cicatrices profondes restaient gravées à jamais, la reine devait faire face dans toutes les situations pour le bien de tous. Tel était son rôle. L'éducation que Zélé avait reçue depuis son plus jeune âge l'avait formée à prendre les bonnes décisions pour l'intérêt commun. Et ce que la reine d'Innuma, sa mère, laissait faire en ce moment sur Nikéas n'était pas juste. Le règne irréprochable de Zéninouma venait de s'entacher soudainement aux yeux de Zélé. Upléas était obligatoirement impliqué dans toute cette affaire, et Zéninouma savait tout cela. Le modèle que Zélé avait toujours voulu suivre perdait tout honneur à ses yeux. Les Nikéens étaient victimes d'un trafic ignoble, les Upléens étaient maintenus dans l'ignorance. Zélé devait agir, plutôt que de se morfondre sur sa misérable condition et sur sa responsabilité dans le fiasco de leur voyage. C'était à elle que revenait le devoir de se battre pour mettre un terme à cette histoire. Peu importait ce qui en découlerait pour la dynastie des Ais. Sortir de cette chambre, libérer ses compagnons, se procurer au moins une arme, courir jusqu'à l'Agilgo, exploser la porte de la soute, récupérer les pilules alimentaires, puis gagner les galeries et attendre l'aide du Pléen. Sortir. Une porte unique, verrouillée et farouchement gardée de la chambre n'était pas une issue tentante. Les barreaux aux fenêtres, haut perchés, ne l'empêcheraient pas de sortir d'ici et de faire éclater la vérité. Elle ne savait pas comment elle allait s'y prendre, mais elle n'abandonnerait pas. Sur ses jambes, et avec une nouvelle motivation en tête, une frénésie s'empara de Zélé, et elle fouilla tous les tiroirs et placards des appartements d'Irgosh à la recherche du moindre objet qui pourrait se révéler utile. Elle empoignait des choses, mais sans un plan impossible de se rappeler quelle était leur utilité et ce qu'elle pourrait en tirer. À force d'être toujours plus consciente de son incapacité à déduire l'utilité de ces choses, sa fouille perdit toute patience, et elle balançait avec hargne ce qu'elle prenait, et le tout retombait sans bruit sur un tapis, un coussin, ou se fracassait contre un mur en pierre ou le carrelage. Elle avait envie de laisser éclater la rage qui l'habitait. D'un naturel si calme et serein, sa carence en dionine provoquait une fureur insoupçonnée en elle. Ses bras se croisèrent sur son ventre quand une crampe la saisit soudainement. À ce moment, elle ressentit un métal froid contre sa peau. Et en comprenant ce que c'était, après l'avoir touché de sa main, Zélé échafauda un plan d'évasion à la vitesse de l'éclair. Zélé poussa, avec mainte difficulté, la longue table noire en bois massif qui se trouvait près des fenêtres, et l'aligna en face de la porte. Les pieds de bois crissèrent sur les dalles de carrelage, et les gardes prêtèrent une oreille attentive à ce qui se passait à l'intérieur. À l'opposé de la porte, Zélé amassa une multitude de petits objets et bibelots, ustensiles, statuettes et autres décorations miniatures. La princesse se posa devant le tas de bibelots, elle sortit de la poche du large pull de Karoa sa couronne de perles et la replaça sur son crâne. Elle sortit de sa ceinture le poignard qu'elle avait amené et dont elle avait ressenti le métal froid contre son corps quelques minutes auparavant. Après avoir fouillé Ormaïn et Karoa et pris Vesoku de sa visière, aucun mercenaire n'avait pensé à s'occuper de Zélé, à vérifier qu'il n'y avait pas d'armes accrochées à sa ceinture. Une Zélé imprimée de l'étiquette Upléenne ne se serait jamais permise d'agir comme elle allait le faire, ou comme elle s'était conduite les deux derniers jours. Habitée par la fureur du manque de dionine, elle n'eut aucun mal à passer à l'action sans retenue. Elle se saisit de chaises et les fracassa contre les murs, hurlant de tous ses poumons et provoquant un tintamarre de tous les diables, tel que les gardes ne pouvaient l'ignorer. La serrure tourna, les fentes auditives de Zélé perçurent le cliquetis et elle se précipita à l'autre bout de la table, devant les objets amassés. Les deux gardes pénétrèrent dans la pièce et restèrent un instant immobiles sur le seuil de la porte. Le chaos régnait dans la pièce, tout était sans dessus-dessous. Mais le calme était revenu, plus un seul cri et plus de prisonnières en vue. Ils n'eurent pas le temps de faire un pas que Zélé surgit du tas de bibelots. D'un bond, elle sauta sur la table, les bras chargés de breloques qu'elle balança à toute vitesse sur les gardes en courant vers eux sur la table. Les mercenaires n'eurent pas le temps de dégainer leurs armes que Zélé était au bout de sa course, les bras déchargés de toute munition. Elle sauta une fois au bord du meuble, par des gestes agiles et synchronisés, et dégaina le poignard accroché à sa ceinture. Tout avait été tellement rapide que les gardes ne purent jamais comprendre ce qui leur était arrivé. Zélé avait abattu le premier qui lui faisait face en plongeant sur lui les jambes en avant et égorgea le second, au long coup, dans le même mouvement avec son poignard. Un corps, versant du sang à sa droite et un autre sous elle, la porte grande ouverte devant elle, Zélé n'en revenait pas de voir son plan réussir au-delà de toute espérance. Une immense joie se lisait sur son visage. Un sourire béat n'avait pas l'air de se décider à quitter ses traits. Le long cou, si fin du deuxième garde, était tranché, et sa tête avait roulé jusqu'à la jambe de Zélé. Des veines déversaient un flot vert, et d'autres, un liquide marron plus épais. C'était un museau au perché. Le garde assommé sous elle reprenait connaissance, remua. C'était un gator. Toujours en califourchon sur lui, Zélé sursauta et spontanément le poignarda en pleine poitrine à la force de ses deux mains. Là, le regard stupéfait et voyant jaillir un liquide noir très fluide à la garde du poignard, elle se dégagea vivement et regarda la scène dont elle avait été la protagoniste. Deux cadavres jonchaient le sol, baignant dans les sangs de couleurs et textures différentes qui se mêlaient. Elle les avait tués. Elle venait de tuer deux mercenaires. Elle venait d'ôter la vie à deux créatures. Et sachant au fond d'elle-même que ça n'aurait pu que se passer ainsi, elle arracha avec une moue de dégoût son poignard de la gage thoracique du garde, dépouilla les cadavres de leurs pistolets laser et s'élança en courant vers les escaliers dans la lumière crue des néons du corridor. À chaque palier, tout était parfaitement identique, une double porte de fer sans hublot sur le couloir auquel elle donnait accès. Des marches usées en pierre et la même couleur infecte recouvrant les murs. Il ne fallait pas se fier à ses yeux pour se repérer dans de tels lieux, et heureusement ce n'était pas le cas de Zélé. Son sens de l'orientation très bien développé chez son espèce lui permettait de se déplacer sans réelle connaissance des lieux et de retrouver son chemin facilement. Ce même manque de dionine qui l'avait privé de toute analyse à son arrivée aiguisait désormais ses sens, tant l'idée de retrouver la soute de la gigot la possédait. Elle arriva au rez-de-chaussée de la forteresse, et continua à descendre le colimaçon, reniflant l'air à chaque repos, et détecta l'odeur d'ormaïne, une légère effluve qui lui apporta la certitude qu'elle était au bon niveau. Elle stoppa pour écouter attentivement si des mercenaires étaient présents de l'autre côté de la porte, dans le couloir. Poussant le battant, elle n'eut à faire face à aucun garde et découvrit un niveau très différent de l'étage où se situaient les appartements du commandant Irgoche. Il y avait toujours un long couloir, mais éclairé de néons lugubres cette fois-ci. Il n'y avait pas de porte, juste une série de cellules. Elle passa devant un box vide, puis un autre, et tomba sur Zoku, seul. Lupléen la regarda avec stupéfaction et fit signe qu'Ormaïne avait été emmenée plus loin. L'allée de cellules était coupée en deux par un couloir. Zélé allait prendre à gauche, comme Zoku lui avait indiqué, avant de se tapir dans l'ombre à la détection de voix approchantes. Toujours pareil avec le commandant. Il se garde la meilleure partie. Nous sommes juste bons à obéir aux ordres. Pas besoin du moindre garde pour accracher le morceau. Tu as vu la tronche de l'autre? Il est malade ou quoi? Des taches et la peau verte. Il y a peut-être un début d'épidémie dans les camps, tu penses? Tu crois que nous pouvons choper des trucs, nous? Pas entendu dire qu'il est malade, hein, et compris qu'il vient d'une autre planète. Les trois mercenaires continuaient tout droit. Zélé ne bougea que lorsque la conversation ne fut plus qu'un vague écho. La princesse supposa qu'il conversait, en universel, une langue qu'elle ne pouvait pas comprendre, son apprentissage avait été post-implantaire. Elle patienta un temps et s'engagea dans le couloir. Une voix, puis un gémissement la firent stopper. Elle resta attentive et reconnut la voix du commandant Irgoche. Le gémissement lui suffit, même s'il n'avait été accompagné d'aucun mot, pour reconnaître Ormaïn. Dos au mur, tout près de l'entrée de la pièce fortement éclairée, Zéla prêta plus attention à ce qui se disait à l'intérieur. Maintenant que nous sommes en tête à tête, j'aimerais connaître ton explication sur le fait que tu ne sois pas pucé, et qu'est-ce que vous pouviez bien foutre avec cet Upléen ? L'interrogeait Irgoche. À l'évidence, Ormaïn resta muet, et ce ne fut pas dans son intérêt. Il eut un déclenchement d'interrupteur, le léger vrombissement d'un générateur, et un nouveau gémissement se fit entendre. Il était inutile pour Zélé de se faire davantage désirer. Ormaïn se faisait torturer là-dedans. Tout le dégoût qu'elle avait éprouvé face à Irgoche quand elle était enfermée dans ses appartements lui revint. La haine s'empara de son cœur. Zélé laissa tomber les deux pistolets laser qu'elle avait pris sur les dépouilles des mercenaires tués de ses mains. Et elle entra dans la pièce, d'un pas décidé, ignorant sur quoi elle allait tomber et n'en ayant cure. Ormaïn était allongé sur un fauteuil, les poings et les pieds liés. Irgoche se tenait debout près de lui, tournant le dos à l'entrée, empêchant la princesse de vérifier si son compagnon était grièvement blessé ou non. Le commandant ne la vit pas venir. Zélé tira son poignard d'un geste large de sa ceinture, le saisit à deux mains, devant le regard effaré d'Ormaïn, qui avait remarqué les deux bras brandir la lame au-dessus de la tête de son bourreau. L'arme blanche se planta de toutes les forces de Zélé contre les deux omoplates du tortionnaire. Il resta debout, le temps de poser un regard d'incompréhension absolue sur Ormaïn. Avant qu'il ne se retournât, une salve de nouveaux coups s'abattit sur lui et s'effondra comme une masse sur le Nikéen. Ormaïn sursauta à la vision de ce corps étalé sur lui. Un flot de sang coulait de la bouche d'Irgoche, alors qu'ils appelèrent comme un poisson hors de l'eau, le regard tout aussi terrifié. Sa main fébrile essaya de se cramponner au bord du fauteuil, mais Zélé l'éjecta, d'un revers, et envoya valser le corps sur le sol. Sans un mot, l'héritière détacha les sangles qui retenaient Ormaïn, attachés au fauteuil, ainsi que les électrodes appliquées à ses fentes auditives. Ne quittant pas des yeux le commandant qui agitait un membre parfois, il essuya l'écume autour de sa bouche, causée par les chocs électriques. Se dirigeant vers le couloir, Zélé sentit quelque chose agripper son pied. Irgoche. Elle s'accroupit, le plaqua sur le dos, l'égorgea, et quand la mare de sang dans laquelle Irgoche et les pieds de la princesse baignaient parut suffisamment critique, elle sortit. Dans le couloir, elle ramassa les armes qu'elle avait laissées tomber au sol et tira Ormaïn par le bras. Encore sous le choc du meurtre qui venait de se produire sous ses yeux, il suivit machinalement son guide, les yeux exorbités retenant à peine sa nausée à la vue des empreintes rouges qu'elle laissait derrière elle. Quand Caroa avait été tuée, il était resté lucide et avait immédiatement obéi aux ordres des mercenaires. Là, c'était Zélé qui venait de commettre un geste dont il ne l'aurait jamais cru capable. Voir un mercenaire malmener un Nikéen, quoi de plus banal. Mais voir la douce princesse du Pléas, issue d'un peuple pacifique, poignarder sans hésitation un être sentient, Ormaïn aurait préféré que ce fût une hallucination causée par quelque drogue injectée dans son organisme. Le corps d'Irgoche était tombé lourdement, et le visage de Zélé n'avait rien exprimé. Ses traits étaient restés durs et froids. Elle n'avait pas hésité à le poignarder à plusieurs reprises et à l'éjecter pour s'affairer à le libérer, sans coup d'œil en direction de sa victime. Fébrilement, il parvint à articuler. « Où est Zoku ?»« Toujours dans sa cellule. Tu étais plus en danger immédiat, » expliqua Zélé. Un ton d'impatience se décelait dans sa voix. Il rappelait à Ormaïn le ton sur lequel elle s'était adressée à Zoku lorsqu'il était devant le moteur de la Gilgo. La menace, l'exigence, étaient encore présentes. C'est par là, mais les gardes ? Demanda Ormaïn. Elle tendit un pistolet laser à Ormaïn. Il le fixa en silence, et ce qu'il lisait dans les yeux de la princesse lui fit ravaler ce qu'il aurait pu dire. D'une main hésitante, il saisit l'arme. Il ne voulait pas s'en servir. Il ne savait pas s'en servir. J'ouvre la voie. Si tu as trop peur, reste bien derrière. Mais si tu tiens à la vie, tire sur tout ce qui bouge, lui expliqua Zélé. Tirer, avait-elle perdu la tête? Puisque son ton était le même que lorsqu'elle tenait absolument à prendre ses pilules alimentaires, Ormaïn ne savait que penser. Soit Zélé agissait ainsi, parce qu'elle subissait encore les effets du manque de dénine, soit elle était simplement bien décidée à sortir d'ici. Ormaïn ignorait tout de l'accoutumance et ne se rendait pas bien compte de ce qui pouvait être ou ne pas être un signe révélateur. Là, au sud, dit Zélé. Un garde était posté devant la cellule de Zoku. Il vit zélé. Il porta sa ventouse au pistolet rangé dans son étui, et avant de l'atteindre, avant que sa ventouse ne se colle sur la crosse du pistolet pour le sortir, Zélé, qui avançait les bras tendus, son arme devant elle, fit feu, et le garde s'effondra de toute sa gigantesque masse. Une partie du tentacule avait été arrachée par le tir et s'était collée au mur. Dans sa cellule, Lupléen n'avait pas bougé depuis qu'Ormaïn l'avait quitté. Il s'était même reculé en voyant son garde tomber raide mort. La tête de Zélé apparut de l'autre côté des barreaux, puis celle d'Ormaïn. D'un tir bien ajusté, la princesse fit fondre la serrure et ils furent réunis. « Zoku, prends son arme !» lui dit Zélé. « Princesse Zélé, comment ?» À la place de Zoku, qui n'était pas sûr d'avoir compris, Zélé se baissa et soulagea le cadavre de son arme, en repoussant sans ménagement le tentacule qui faisait obstacle. Elle dut même se servir de ses deux mains, l'une pour tirer l'arme, l'autre pour décoller la ventouse. Zoku se retrouva avec ça entre les mains, et Ormaïn lui fit signe qu'il compatissait. « Zoku, notre seule chance est de retourner à la Jingo, pour recharger nos implants et demander de l'aide. Nous attendrons ensuite dans les galeries. Il ne faut pas qu'on nous repère. Ce sont les galeries entières que nous mettrions en danger. La première étape est de sortir d'ici. Suivez-moi et faites feu !» leur expliqua Zélé. Zélé reformula ses ordres en ikéen et prit la tête du groupe. La princesse avançait rapidement et ajustait avec précision ses tirs. Elle ne ratait pas une seule de ses cibles. Derrière, Zoku et Ormaïn ne pouvaient pas en dire autant. Ils étaient reconnaissants de la témérité de la princesse. Ils seraient morts depuis longtemps si elle n'avait pas été là pour servir de bouclier destructeur. Ils avaient regagné la cage d'escalier et montaient vers le rez-de-chaussée. « Attendez !» s'écria Zélé. « Quoi ?» demanda Ormaïn. « Princesse Zélé, qu'y a-t-elle ?» demanda Zoku. « Une cuisine, une zone de restauration, et il y a peut-être des pilules !» s'écria Zélé. « Tout ce qui compte pour l'instant, c'est de déguerpir d'ici, Zélé. Tu pourras prendre des pilules dans le vaisseau de Zoku !» expliqua Ormaïn. Ils ont sûrement emmené le vaisseau, où ils sont des dizaines postés autour. C'est ça, les mercenaires ont sans doute remorqué la Jingo, ils doivent l'avoir rangée dans les immenses hangars qu'on a voyés de l'extérieur, pour l'inspecter, supposa Zélé. Quoi? C'est une mission suicide, Zélé, je refuse, nous n'avons pas à aller là-bas. Nous devons sortir de cette forteresse, nous occuperons des pilules après. Ormaïn, discutant ses idées, Zélé se tourna vers Zoku, pour se faire obéir. Zoku, je dois obéissance à ta future reine. Tu viendras avec moi dans les hangars, et Ormaïn nous suivra également. Princesse Zélé, dans les hangars? Pourquoi faire? Demanda Zoku. Zoku, pour trouver ton vaisseau. Princesse Zélé, mon vaisseau, il est fichu. Nous ne pourrons pas repartir à son bord, expliqua Zoku. Zoku, je ne veux pas repartir à son bord. Je veux prendre mes pilules, s'énerva Zélé. Zoku et Ormaïn se regardèrent tous les deux désemparés. De toute façon, ce qu'ils souhaitaient, c'est sortir de la forteresse, et le seul accès au hangar connu était à l'extérieur. Une fois dehors, ils réfléchiraient à la conduite à adopter, accompagner Zélé à la recherche du vaisseau, dans le cas où il s'y trouverait bien, ou fuir dans la forêt sans elle. Dans le long corridor qui menait au dehors, un véritable massacre eut lieu, et ce, sans que Zoku ni Ormaïn n'atteignissent la moindre cible. Zélé se battait de ses deux mains. Elle tirait avec la main droite et tranchait avec son poignard de la main gauche. Elle avait vite saisi le maniement de son pistolet et effectué des tirs puissants qui transperçaient jusqu'à deux gardes à la fois. Serrés les uns à la suite des autres entre les murs étroits, ils n'avaient aucun moyen de repli. Au milieu de tous les cadavres, quand plus un seul mercenaire ne fut en vie et que différents liquides organiques inondaient le sol, Ormaïn et Zoku ne savaient plus comment disposer de leurs bras et de leurs pieds pour échapper à ces fluides dont ils étaient éclaboussés. Zélé, à l'inverse, en était détrempé et ne semblait pas en faire grand cas. Pour ouvrir la porte d'entrée par laquelle on les avait fait pénétrer la veille, en fin d'après-midi, la princesse saisit les deux armes de ses compagnons et à l'aide de trois armes en puissance maximum fit feu. Le recul prit fut tout juste suffisant pour se protéger. La porte explosa et les débris fondirent sous la chaleur, ainsi qu'une partie des murs l'encadrant. Un nuage de poussière de sable leur masqua l'extérieur et ils durent attendre que les particules retombassent pour se situer. Le soleil Réas était bientôt à son zénith. Ormaïn et Zoku ne voyaient que l'orée de la forêt devant eux et vers laquelle ils voulaient courir le plus vite possible. Zélé, quant à elle, ne voyait que les hangars alignés dans la roche qui était à sa gauche. une centaine de mètres plus loin. La princesse fit un pas vers les abris et sentit soudainement deux mains l'agripper fortement à chaque bras. Les poignes de ses ravisseurs n'étaient pas si puissantes, mais elle ne se sentait pas de lutter contre deux. Ormaïne avait saisi le bras droit de Zélé et Zoku le gauche. Ils la tirèrent de toutes leurs forces vers la forêt, le plus vite possible, sous les tirs des mercenaires qui accouraient, après avoir entendu l'explosion de la porte de la forteresse. Un tir siffla et écorcha Ormaïne à l'épaule. Ils n'avaient plus d'armes pour tirer. Ils étaient 3 contre 10, 20, 30. Le nombre augmentait seconde après seconde. Ils ne pouvaient que fuir à toutes jambes. Avant de pouvoir atteindre l'asile des arbres, un gigantesque souffle les plaqua au sol tous les trois. Un choc fit trembler la terre et du sable jaillit. Ormaïne se retourna et vit un énorme vaisseau armé en train d'atterrir devant la forteresse et exterminant les mercenaires présents en quelques salves. Les symboles sur la coque du vaisseau ne laissaient aucun doute sur son origine. Sidérés, Ormaïne et Zoku regardèrent le vaisseau se poser. Libérant Zélé, remarquant le relâchement des deux mâles, elle s'enfuit dans le chaos qui régnait vers un hangar. À l'orée de la forêt, il y avait une vue d'ensemble de la façade, et elle avait repéré le hangar qui abritait la Gilgo. Le gigantesque vaisseau venait de s'immobiliser au sol. Plusieurs rampes d'accès se déroulèrent et des soldats en descendirent au trot. À plusieurs, ils interpellèrent Zélé et l'embarquèrent à bord. Il n'y avait aucun doute qu'ils avaient repéré la princesse avant de mettre pied à terre, et qu'elle était leur cible. D'autres repérèrent Zoku et Ormaïne qui s'étaient d'eux-mêmes mis en marche vers l'appareil. Zélé se débattait et hurlait. Comme elle insultait les soldats en ikéen, personne ne comprenait ce qu'elle pouvait bien baragouiner, à part Ormaïne, qui rougit à l'entendre proférer tant d'injures. Épuisée par les événements et sa lutte désespérée, elle finit rapidement par s'évanouir. Les soldats la soulevèrent précautionneusement et montèrent à bord. Une fois que tous furent bien installés dans un compartiment voyageur, le vaisseau s'ébranla et quitta le sol nikéen. « Soldats, pourriez-vous apporter des pilules alimentaires pour la princesse ? Vel n'a rien ingurgité depuis longtemps, » leur dit Zoku. Zélé fut prise en charge sans tarder par une équipe médicale.